Winnie Babe. A tous ces haineux, j'ai de l'amour pour vous. Asseyez-vous tous dans la salle tranquillement. Tiens, trouvez-lui des feuilles, il veut se rouler un joint. On dirait le frérot là-bas. Bref, ouvrez bien grand vos oreilles. Au micro, c'est Funny Babe. J'ai jamais fêté Noël, mais j'ai toujours mis le paquet. Maman nettoyait le sol et j'ai toujours fini au parquet. Drôle de parcours, des voitures volées jusqu'au Valais. J'ai fait le ménage dans ma vie normale, j'ai 30 balais. Banlieue sale, un keuf à terre, c'est un petit peu qui se lève. Rap français avec les frères tombés qui attendent la relève. J'fais mon taf, arrête de rap, tu vas te manger des baffes. J'suis trop célèbre et même mon assistant signe des autographes. Ouais, et moi j'kiffe grave, ouais. C'est un privilège, ici les tox te vendraient leur écharpe pour s'acheter un peu de neige. Dialoxide, prévenir les autres, tout le square est en deuil. Celle-là c'est pour les frères au trou qui sont en chien de feuille. La rue mon royaume, mon home sweet home. Tête baissée, genoux baissés, laisse la lumière éclairer mes paumes. L'imam m'appelle du banc de touche, mais j'suis toujours sur le terrain. J'avais peur de pas percer, j'traînais avec un surin. À part des grosses pierres, frère, au keuf, j'ai rien à balance. J'traînais en voiture volée, ouais, mais j'avais de l'assurance. Enfermé à huis clos, des lettres pour me soutenir. J'ai brûlé les photos, mais j'en garde encore les souvenirs. Passe l'hiver au quartier, l'été en bombardier. Bien rencardé, j'pousse mon succès comme un brancardier. Tu me verras pas dans Closer, tu me verras pas dans Voici. Absent de leur émission, mes numéros 1 à Bois d'Arcy. J'quitte l'école alcoolisée parce que la rue m'a saoulé. Et mes albums sont lourds, j'suis dans les packs avec des bourrelets. Dans le théâtre de nos villes, à mort, on foule personne au casting. Ils ont pété à mon flow. Flowjacking, ils sont restés en chien, voilà pourquoi ils ont la rage. J'suis trop déchiré, mais j'essaie de tourner la page. J'ai voulu prendre un bon baveux, on m'a dit t'as pas assez. Le label voulait que j'pose un C, j'leur ai dit c'est pas assez. Le label voulait que j'pose un 16, j'leur ai dit c'est pas assez. Bah j'crois que je vais m'arrêter là, Ruskov. Et tu sais quoi? En fait, j'aimerais que tu me fasses kiffer un son. Avant de partir, j'aimerais que tu me mettes un son. Un son magique. Tiens, coupe ce son. Et puis mets-moi. Donne-moi.